Page 10. Qu'est-ce que le cas 2? Les adjectifs possessifs. Vocabulaire. La bougie. Le bouton. Le chou. La couleur. Le hibou. Le moulin. Le pouce. La soupe. La souris.